Le 13 courant, la troupe de propagande artistique centrale de la jeunesse a donné au Palais central de la jeunesse à Pyongyang un spectacle consacré à la journée de la brillante étoile sous thème « Chant éternel de la puissance de la jeunesse grâce aux bienfaits du soleil ». Y ont assisté des permanents de l'Union de la jeunesse, des cadres intéressés, ainsi que des jeunes et enfants.